Bonsoir à tous. Comment dire, c'est un sujet très vaste et c'est un sujet, enfin c'est un livre qui m'accompagne depuis très longtemps, donc je vais essayer de saisir quelques fils et commencer par une petite présentation comme ça, générale, et puis ce que je vous propose, enfin n'hésitez pas aussi à me poser des questions, à intervenir, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de parler comme ça pendant une heure. Dans le vide. Alors, en quelques mots, Berlin-Alexander Platz, donc vous l'avez vu sur le flyer, hein, c'est un roman qui est paru en 1929, un roman donc d'Alfred Döblin, et qui a connu, une renaissance en langue française à l'occasion de la traduction d'Olivier Lelay, qui est paru donc en 2008 chez Gallimard et qui a vraiment remplacé la précédente. Alors là, ça touche à des points presque d'histoire de la traduction, mais c'est quand même assez intéressant à mentionner. Bon, c'est des choses aussi, moi, qui me passionnent comme traducteur. La traduction précédente était très largement incomplète, c'est-à-dire qu'il manquait quasiment un quart du livre. Et la traduction précédente avait aussi lissé, en quelque sorte, le texte. C'est-à-dire que là où Döblin en fait procède vraiment quasiment par agglomération, c'est-à-dire que parfois il n'y a même pas de paragraphe, les dialogues, il n'y a pas de passage à la ligne dans les dialogues, il y a des espèces de blocs comme ça, et on va y revenir, c'est assez important pour ce livre. La traduction précédente avait donc lissé, c'est-à-dire fait des passages à la ligne où il n'y en avait pas. Avait aussi éliminé tout ce qui paraissait peut-être trop étrange, trop bizarre, à savoir par exemple toute une série de notations de saisie du quotidien, à savoir par exemple des horaires de tramway, des notations météorologiques, des choses de ce genre, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque chose d'assez général, finalement, un certain nombre comme ça de chefs-d'œuvre de la littérature ont d'abord été finalement, pour passer dans la langue étrangère, la traduction a eu besoin de les lisser. Donc il ne s'agit pas du tout de jeter la pierre au traducteur précédent, hein, c'était simplement la tradition à l'époque. Il y a un autre exemple célèbre, c'est Dostoïevski, hein, qui a été vraiment redécouvert par la traduction de Markovitch, c'est un peu l'exemple canonique. Il fallait en quelque sorte ce filtre-là pour que ça passe en français. Et c'était quand même tout de même passé en français, puisque le livre avait quand même été perçu, salué, etc. Alors, Berlin-Alexander Platz. Alors moi, c'est un livre qui m'a... Bon, je suis germaniste, j'ai fait des études d'allemand. C'est un livre donc que j'ai croisé assez rapidement. Un livre assez difficile pour moi en allemand. Pour des nombreuses raisons qui tiennent notamment à l'emploi de l'argot. Hein. Donc il y a énormément Döblin est extrêmement attentif à l'oralité et va donc essayer de donner une place dans son texte au dialecte berlinois, ce qui rend évidemment la lecture un petit peu difficile, quand on n'est pas Muttersprachler, quand on n'est pas germanophone, ça peut poser quelques problèmes. Il y a beaucoup de yiddish aussi. Hein, il a vraiment essayé d'agglomérer aussi différentes langues, on va y revenir. C'est vraiment le grand roman collage, hein, par excellence, quoi. Donc ça, c'était déjà un premier contact que j'avais eu avec le livre. Certainement, d'ailleurs, je l'avais lu dans la traduction précédente à l'époque. Et puis, il se trouve que, comme je disais, moi, j'ai publié un roman sur Fassbinder, d'abord en 2005, et puis qui a été repris en 2012. Et je vais y revenir. Le filtre de Fassbinder a été aussi très important. Vous voyez à peu près qui est Fassbinder, hein, c'est ce cinéaste allemand extrêmement productif, qui a réalisé 43 films, qui est mort à 37 ans. Et Fassbinder a vraiment décrit ce roman comme vraiment le roman de sa vie, le roman qui l'a empêché de mourir quand il était plus jeune. Donc c'est assez curieux, si vous voulez. Là, je mets énormément de barrières autour du livre, enfin de barrières, je ne sais c'est pas des chemins de traverse, mais comment dire, je suis vraiment aussi entré véritablement dans le livre par Fassbinder, qui donc non seulement a été donc bouleversé par ce film, par ce livre, pardon, et mais qui en a fait ensuite le comment dire le projet cinématographique de sa vie. C'est-à-dire que le grand projet de Fassbinder, c'était d'adapter ce livre fleuve, ce qu'il a fini par faire en 79. Hein. Et donc c'est la série Berlin-Alexanderplatz en 12 épisodes plus un épilogue. Et évidemment, la perception, ce que j'ai à l'esprit de ce livre, tout ça s'entrechoque pas mal, quoi. Si vous voulez, c'est ça que j'ai vraiment aussi les images de Fassbinder, le traitement qu'il en a fait, et aussi les partis pris de Fassbinder. Alors après, si on commence véritablement à entrer dans la matière du livre, bon, de quoi s'agit-il? C'est finalement une histoire extrêmement simple. Hein. Certains d'entre vous l'ont lu, le connaissent, ou ce livre, pas du tout, pas trop. Donc c'est une histoire extrêmement simple qu'on peut résumer assez vite. Le personnage principal, c'est Franz Biberkopf, qui dès les premières pages sort de prison. Je vais vous lire les toutes premières pages, enfin les toutes premières lignes plutôt, pardon. Il se retrouva devant les portes de la prison de Tegel et il était libre. Hier encore, là, derrière, dans les champs, il binait les pommes de terre avec les autres, en habit de forçat. Maintenant, il allait dans un manteau d'été jaune. Là, derrière, il binait. Il était libre. Il laissait passer un tram après l'autre, appuyait le dos contre la muraille rouge et ne partait pas. Le surveillant qui allait et venait devant les portes passa plusieurs fois près de lui, lui indiqua son tramway, il ne partait pas. Le moment effroyable était arrivé. Effroyable, Franz? Pourquoi effroyable? Les 4 années étaient passées. Les battants de fer noir qu'il contemplait depuis un an avec un dégoût croissant, dégoût, pourquoi dégoût? C'était refermé derrière lui. On l'exposait de nouveau. Au-dedans, les autres menuisaient, laquaient, triaient, collaient, en avaient encore pour 2-5 ans. Il était à l'arrêt du tramway. La punition commence. Voilà. Donc, ce Franz Biberkopf sort de prison et il a été mis en prison parce qu'il a tabassé à mort sa compagne, qu'il mettait également sur le trottoir, hein, c'est un ancien souteneur. Et Franz Biberkopf, après plusieurs jours d'ébranlement, qu'on commence à deviner là dans ses premières lignes, finit par reprendre pied dans la ville, dans sa vie, hein, on est en 28 à Berlin, 1928 à Berlin, et décide de devenir honnête. Bien sûr, ça ne va pas très bien se passer. Hein. Et il va rencontrer un certain nombre de petits truands, macros, voleurs, des bandits à la petite semaine, quoi. Et là-dedans, enfin, alors assez tard dans le roman, c'est ça qui est curieux et c'est assez génial parce que Fassbinder, à 60 ans de distance, reprocha à Dublin. Une grande simplicité en lui disant vraiment les 150 premières pages, on se demande bien à quoi elles servent. Mais bon, assez tard dans le roman a lieu une rencontre avec Reinhold, qui est un autre truand. Rencontre très étonnante. Reinhold, personnage un peu fragile comme ça, qui boit des verres de lait. Et Biberkopf est tout à fait fasciné par ce Reinhold et se noue entre eux une amitié étrange, alors qui n'est pas de l'homosexualité, parce que bon, évidemment, un certain nombre de critiques peuvent avoir cette tentation-là d'y voir une espèce d'homosexualité qui ne dirait pas son nom, mais ce n'est pas tellement ça. Fassbinder parle magnifiquement de ça et dit, voilà, c'est un amour qui n'a pas d'utilité sociale. Et ça désempare ces deux personnages. Ils ne savent pas quoi faire de ce lien qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Bon. Ce sont aussi quand même des vraies petites frappes. Hein. Et Reinhold, donc les deux prostituées leur compagne, c'est leur mode de vie, c'est leur façon de... Enfin, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et Reinhold a la fâcheuse habitude de tomber amoureux et d'être très vite dégoûté, écœuré par ses copines. Quoi. Et donc il les refourgue à Bieberkopf. Voilà. C'est comme ça qu'un petit commerce, comme ça, une espèce de petite entente se construit entre les deux. On est vraiment dans les bas-fonds, dans la misère, avec une grande violence aussi à l'égard des femmes. Le texte de Dublin adopte aussi vraiment ce point de vue, cette très grande violence. Hein. Et puis, de fil en aiguille, quand même, Bieberkopf, qui a quand même des sursauts comme ça de moralité, dit à Reinhold que vraiment c'est quand même pas possible, bon d'accord, les bonnes femmes, d'accord, les gonzesses, mais bon, on peut pas, il y a un moment où il faut quand même un petit peu les garder, quoi, c'est quand même des êtres humains. Bon. Et ça exaspère totalement Reinhold, ça le met véritablement en rage. Bon, précisons bien, je sais pas si ça s'entend dans ce que je dis, que évidemment Bieberkopf ne brille pas non plus par son intelligence, hein. C'est un personnage un peu idiot, c'est une espèce de force de la nature, très alcoolique, bon. Il est pris sans bien comprendre, en fait, il est emmené par un petit groupe pour faire même pas un casse, pour aller voler, je ne sais quoi. Il s'enfuit, toute la petite bande s'enfuit, Bieberkopf ne comprend pas ce qu'il fait là, Reinhold est pris de rage, le jette de la voiture, la voiture qui les poursuit roule sur Bieberkopf, qui perd son bras. Là, on est aux deux tiers du bouquin, vous voyez, c'est pas une masse de trucs. Quoi, hein, bon. Bieberkopf est tout à fait. Perd son bras, dans un état d'effondrement, etc. qu'on peut imaginer. Et puis, il reprend pied, il se recompose, il se reconstitue. Il reprend ses petits trafics. Il rencontre une femme qui s'appelle Mitze, qu'il va à nouveau prostituer, mais ils vivent un très très grand amour, hein, tous les deux, sincère, authentique. Et puis il est toujours fasciné par Reinhold, qu'il va voir, il lui rend visite, donc son quasi-assassin, il lui rend visite avec son bras absent, avec son bras invisible. Et toujours cette étrange fascination entre eux. Reinhold veut, enfin, il, comment dire, Bieberkopf tient absolument à lui présenter, c'est très étonnant, on est un peu dans l'étrange, dans le, comment il s'appelle le livre de Dostoïevski, l'Éternel Mari, là. Bieberkopf tient absolument à lui présenter Mitze, arrive ce qui doit arriver, évidemment Reinhold veut coucher avec Mitze, qui résiste un petit peu, il l'emmène dans une forêt, il la tue, bon. Et là, c'est vraiment c'est vraiment l'effondrement pour Bieberkopf, hein, qui va avoir plusieurs mois de quasi-folie. Et de façon très forte, Fassbinder dit, on est dans une catharsis inversée, finalement. Hein, au bout de ce processus, Bieberkopf, nous explique Dublin, n'est plus tellement intéressant. Il est devenu réutilisable par la société. Hein, et il arrête le roman à cet endroit. Donc, j'ai procédé à ce petit résumé un peu brutal et pour faire sentir voilà donc que on est dans un type de récit finalement extrêmement simple, hein, on pourrait même dire qu'on est quasiment dans du roman de gare. Il faut voir aussi que le succès assez important d'Alexanderplatz est aussi un succès de scandale, hein, bien sûr. Il y a un certain nombre de scènes qui pour nous, un peu explicite sexuellement, hein, pour l'époque. Donc il y a aussi un succès de scandale. Vous l'avez bien entendu dans ce petit résumé, c'est aussi tout à fait amoral. Hein. Mais l'enjeu, bien sûr, n'est pas là. Ce qui est très étonnant dans ce livre, c'est que ces personnages extrêmement, les assez misérables, Dublin choisit de leur. Choisit de les élever au mythe, finalement, en permanence. C'est-à-dire qu'il y a constamment dans le roman, bon, et ça, on va le faire sentir, je vais vous montrer dans plusieurs passages, un second niveau, si on peut dire, qui vient s'entrechoquer avec ce premier essai, avec ce premier fil narratif, qui est vraiment celui de la mythologie. C'est-à-dire quand ces personnages de souteneurs, de petits bandits, de prostituées, sont constamment pris, enfin, comment dire, mis sur un même niveau que aussi bien la mythologie grecque, on a par exemple le retour d'Agamemnon à un certain moment donné, c'est-à-dire que qui est mis exactement sur le même plan. Tout un niveau comme ça, religieux et mythologique, vient constamment s'entrechoquer avec ce premier niveau. Donc, que fait Dublin là? Il choisit vraiment de prendre le plus banal, le plus trivial, et de lui donner une profondeur qui est quasi inédite en littérature. Et il nous entraîne aussi, peut-être même parfois malgré nous, dans une véritable empathie à ces personnages. Bebberkopf, qui quand même donc a tabassé son ancienne compagne, qui est un souteneur, est un personnage éminemment sympathique, finalement. Enfin, on est complètement, en tout cas, en empathie avec les souffrances de cet homme qui à son échelle, à son échelon, j'ai envie de dire, essaye de toutes ses forces d'être honnête. Bon, simplement, on est évidemment en pleine crise économique à Berlin. Le nazisme pointe le bout de son nez. Bebberkopf, qui évidemment n'est pas un foudre de guerre ni un grand intellectuel, passe des communistes aux nazis, mais sans véritablement savoir pourquoi, simplement parce qu'il y en a un qui crie plus fort que l'autre, ou par des espèces de sympathies comme ça, amicales, entre deux beuveries. Et donc tout enfin, nous saute au visage toute une ronde de nuit comme ça, qui nous permet aussi déjà d'un simple point de vue historique, de redécouvrir, par les yeux d'un très grand écrivain, ce chaudron qu'était Berlin dans les années 20. Je suis à peu près clair. Donc voilà en gros ce qui fait de ce livre quelque chose d'extrêmement singulier. Il faut ajouter à ça, si vous voulez, que comment dire? Donc toujours sur ce premier fil narratif, hein, il y a énormément de voix qui viennent s'entrechoquer dans le texte. C'est-à-dire constamment les voix de la publicité, le bruit des tramways, les titres des journaux, les articles de journaux, viennent vraiment se télescoper dans la phrase. Donc on n'a pas des personnages, l'identité des personnages finalement n'est pas si bien définie que ça, vous voyez. Donc on peut, comment dire, je vais vous donner un autre exemple, par exemple de la... Alors moi voilà, une des choses qui moi me frappe le plus, c'est le sentiment d'un auteur, et qui n'a pas renouvelé cette expérience dans d'autres livres. Les autres livres de Dublin sont plus classiques, si on peut employer ce mot, plus strictement narratif. On a le sentiment d'un auteur qui s'autorise tout, en fait, en quelque sorte, qui ne se censure pas, voilà, qui ose tout. Donc, exemple de ces espèces de liberté comme ça. Donc nous sommes dans le deuxième livre. Donc chaque livre est comme ça précédé d'une petite introduction. Ainsi, nous avons ramené notre homme sans encombre à Berlin. Il a prêté serment et la question est de savoir si nous ne devons pas arrêter, tout simplement. Le dénouement semble favorable et sans complication. Déjà, on entrevoit une fin et le tout a le grand avantage de la brièveté. Mais ce n'est pas n'importe quel homme, ce Franz Bebberkopf. Je ne l'ai pas convoqué ici par simple amusement, mais pour éprouver son existence dure, vraie et éclairante. Franz Bebberkopf est grièvement brûlé, le voici désormais réjoui et bien campé sur ses jambes en pays berlinois, et s'il dit qu'il veut être honnête, alors faisons-lui confiance, il le saura. Vous le verrez être honnête des semaines durant, mais ce n'était pour ainsi dire qu'un délai de grâce. Début donc du livre 2. Il était une fois au paradis deux êtres, Adam et Ève. Ils étaient posés là par le Seigneur, celui qui avait fait aussi les animaux et les plantes, et le ciel et la terre. Et le paradis était le magnifique jardin d'Éden. Fleurs et arbres y poussaient. Les animaux s'ébattaient. Nul ne tourmentait son prochain. Le soleil se levait et se couchait. La lune faisait de même. Tout au paradis n'était que joie et félicité à longueur de journée. Commençons donc gaiement. Chantons et donnons-nous du mouvement. Clap, clap, clap font les mimines. Tap, tap, tap font les bottines. Un tour par ici, un tour par là. Valser, ce n'est pas plus compliqué que ça. Suis, après je ne vais pas évidemment faire la lecture intégrale, mais suis, par exemple, on a ensuite une série, une reproduction, vous voyez, comme ça, de d'un certain nombre, je ne sais pas comment appeler ça, de logos de différentes, je ne sais pas, enfin, santé publique, ponts et chaussées, arts et instructions publiques, quoi, un certain nombre d'écriteaux, comme ça. Et puis, toujours sans aucune transition, sans aucune mise à disposition du public d'un projet concernant l'immeuble 6 au 10 rue du Pont de Spandau. Le projet relatif à la délimitation d'un périmètre de travaux nécessaires à la pose d'une rosette murale sur la façade de l'immeuble 6 au 10 rue du Pont de Spandau, sa construction de Berlin-Mitte, est désormais disponible en libre consultation, augmenté de tous les documents y afférents, etc. etc., etc. Donc, on a toujours ce fil narratif parler, cet échelon mythologique et religieux dont je vais vous lire d'autres passages qui sont absolument splendides, et puis voilà le vocabulaire administratif, on va avoir des horaires de tramway, etc. Voilà plusieurs choses qu'on peut dire de ce livre. Peut-être qu'on peut lire le passage de Job pour. Est-ce que ces voix-là que tu viens de décrire, ouais. Est-ce que c'est l'auteur qui les agrège ou est-ce que c'est les personnages qui les agrègent ? Non, c'est l'auteur. C'est l'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est tantôt l'auteur, tantôt les personnages. Mais là, par exemple, le début du chapitre 2, on a même pas de raccord avec Bibercop. Puisque le Bibercop va arriver au bout d'une... On a une longue description de la place... Enfin, des tramways qui traversent la place. Et puis, c'est à peu près au bout de 5 ou 6 pages qu'on arrive à une petite scène dans un bar où Bibercop n'est toujours pas là, d'ailleurs. Voilà, Bibercop arrive au bout de 20 pages, en fait. Franz Bibercop s'assit avec son ami Mec à une table où d'autres hommes, déjà, et des bruyants, étaient assis et il attendu des murmures. Donc, ça veut dire que l'expérience du lecteur, quand on lit ce que tu viens de dire, est absolument sans rapport avec l'expérience de Bibercop, en fait. C'est-à-dire oui. Oui, ah oui, d'accord, oui, je n'ai pas compris exactement. Oui, tout à fait, sans ta question. Absolument. Oui. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est cette espèce de... Effectivement, oui, enfin, je pense que tu l'as très bien dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas constamment c'est pas une espèce de caméra subjective ou de. On passe complètement et sans aucune solution de continuité à d'autres échelons, à d'autres types de textes. Quoi. Ce qui peut, je ne vous cache pas, rendre la lecture parfois un peu aride, hein, mais, enfin aride, non, pas aride, déconcertant plutôt. Mais voilà, enfin, ce qui est très singulier là-dedans, c'est que j'ai peut-être parlé un peu trop légèrement de ce premier fil narratif, qui est l'histoire de Franz Bibercop. On est aussi dans la splendeur du mélo, hein. C'est-à-dire que la passion, par exemple, de Franz Bibercop pour Mietze. Franz Bibercop va avoir plusieurs amis, plusieurs copines, plusieurs compagnes, comment les appeler, dans ce livre. La dernière, c'est Mietze, c'est celle qui sera assassinée par Reinhold. C'est absolument magnifique. Et on est dans toute la puissance du mélo. Donc ça, c'est aussi un des aspects qui a été très important pour Fassbinder, justement, qui lui a notamment retenu ça, la puissance du mélo. Mais est-ce que cette juxtaposition, justement, des différentes voix et des différents registres, tout ça, fait qu'on n'est absolument pas dans un roman psychologique, c'est-à-dire que l'astronome... Oui, absolument, exactement. Oui, il y a un vrai parti pris, effectivement, de... Pardon ? Là, Du collage, oui, exactement. Voilà, on, voilà, tout à fait. Ouais, ouais, on évite. Enfin, on évite. C'est l'époque aussi de ce passos là, vraiment particulier. Oui, oui, complètement. Voilà, c'est l'époque. C'est l'époque. Complètement. Ouais, ouais. Sans savoir, d'ailleurs, enfin, qui est le premier, et peu importe. Il y a une sensibilité d'époque. Exactement. Pour traduire sensitivement la ville comme ça. Voilà, exactement. C'est un des grands romans de la ville, voilà, avec de Spassos, de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce qui est frappant, bon, moi je ne suis pas un historien de la littérature, c'est que c'est quasi concomitant. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. Donc on est quand même ouais, dans le premier, ouais, cinquième, je dirais, du livre. Guy Burkopf a été trahi par un... Rien de très grave, hein, mais c'est ce qui... Alors voilà, cette espèce de masse physique est aussi extrêmement sentimentale. Suite à une petite combine, il a été trahi par quelqu'un en qui il avait mis sa confiance. Donc il s'enferme dans sa chambre, il boit, il refuse de sortir de sa chambre, plus voir personne. Quoi. Et là, dialogue avec Job. C'est ça, on est arrivé. Dialogue avec Job, il ne tient qu'à toi, Job, tu ne veux pas. Quand Job eut tout perdu, tout ce que les hommes peuvent perdre, rien de plus et rien de moins, alors il se retrouva couché dans le potager. Job, tu es couché dans le potager, près de la niche du chien, juste assez loin pour que le chien de garde ne te morde pas. Tu entends ses dents crisser. Le chien aboie. Si l'on approche ne serait-ce que d'un pas, si tu te retournes, veut te redresser, il grogne, jaillit, tire sur sa chaîne, bondit, bave et mort. Job, voici le palais et voici les jardins et les champs que tu possédais toi-même autrefois. Ce chien de garde, tu ne le connaissais pas du tout. Le potager où l'on t'a jeté, tu ne le connaissais pas du tout. Comme tu ne connaissais pas non plus ces chèvres que l'on mène devant toi au matin et qui tout près de toi broutent l'herbe en passant et ruminent et se bourrent les joues, elles t'appartenaient. Job, maintenant tu as tout perdu. Le soir, tu as le droit de ramper dans la niche. On craint ta lèpre. Tu chevauchais rayonnant sur ton domaine et l'on se pressait autour de toi. Maintenant, tu as sous le nez la palissade de bois où rampent et montent les escargots. Tu peux aussi étudier les vers de terre. Ce sont les seuls êtres qui n'aient pas peur de toi. Tes yeux croûteux attrapent malheur, bourbier vivant. Tu ne les ouvres que de temps en temps. Dis-moi ce qui te tourmente le plus, Job, que tu aies perdu tes fils et tes filles, que tu ne possèdes rien, que tu aies froid dans la nuit, tes ulcères dans la gorge, sur le nez, dis, Job. Qui demande ? Je ne suis qu'une voix. Une voix vient d'une gorge. Tu penses que je dois être un homme ? Oui, et c'est pour cela que je ne veux pas te voir. Va-t'en. Je ne suis qu'une voix, Job. Ouvre les yeux. Du mieux que tu peux, tu ne me verras pas. Ah, je divague. Ma tête, mon cerveau, maintenant pour finir, on me rend fou. Maintenant, ils me prennent jusqu'à mes pensées. Et quand ils le feraient, est-ce si mal ? Mais je ne veux pas ! Bien que tu souffres tant et souffres tant par tes pensées, tu ne veux pas les perdre ? Ne demande pas, va-t'en ! Mais je ne te les prends pas du tout, je veux seulement savoir ce qui te tourmente le plus. Cela ne regarde personne. Personne d'autre que toi ? Oui, oui, et pas toi. Le chien aboie, grogne, mort autour de lui. La voix revient après quelque temps. Est-ce que ce sont tes fils sur qui tu te lamentes ? Pour moi, nul n'aura besoin de prier quand je serai mort. Je suis le poison de la terre. Derrière moi, il faut cracher, il faut oublier Job. Tes filles ? Les filles, elles sont mortes aussi. Pour elles, c'est bien. C'étaient des modèles de femmes. Elles m'auraient donné des petits-enfants et on les a emportés. L'une après l'autre, elles se sont effondrées, comme si Dieu les prend par les cheveux, les soulève et les jette par terre, qu'elles se brisent en morceaux. Job, tu ne peux pas ouvrir tes yeux, ils sont collés. Ils sont collés. Tu te lamentes parce que tu es couché dans le potager et la niche du chien, la dernière chose qui te reste, est ta maladie. La voix dit, la voix de qui tu es et où tu te caches ? Je ne sais pas sur quoi tu te lamentes. Oh. Tu gémis et tu ne le sais pas non plus, Jean. Non, j'ai... J'ai perdu ma force, voilà. Tu voudrais bien l'avoir. Plus de force pour espérer, plus de souhait. Je n'ai plus de dents, je suis mou, j'ai honte. C'est toi qui l'as dit. Et c'est vrai ? Oui. Tu le sais, c'est le plus terrible. C'est déjà inscrit sur mon front, alors, la loque que je suis. C'est cela, Job, qui te fait le plus souffrir. Tu voudrais ne pas être faible, tu voudrais pouvoir résister, ou alors être tout à fait criblé, ton cerveau envolé, tes pensées envolées, déjà bétail tout entier. Choisis quelque chose. Tu m'as déjà tant demandé, vois. Maintenant, je crois que c'est bien ton droit. Guéris-moi, si tu le peux. Que tu sois Satan ou Dieu ou un ange ou un homme, guéris-moi. Tu accepteras cette délivrance de n'importe qui ? Guéris-moi ! Job, réfléchis bien. Tu ne peux pas me voir. Si tu ouvres les yeux, tu t'effaroucheras peut-être de moi. Peut-être que mon prix est élevé et terrible. Nous verrons bien. Tu parles comme quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Mais si je suis Satan ou le malin ? Guéris-moi ! Je suis Satan. Guéris-moi ! Alors la voix céda du terrain, se fit de plus en plus faible. Le chien aboya. Job épia anxieusement. Il est parti. Il est parti, il faut qu'on me guérisse, ou il faut que j'entre dans la mort. Il criaillait. Une nuit atroce arriva. La voix vint une fois encore. Et si je suis le Satan, comment te débarrasseras-tu de moi ? Tu ne veux pas me guérir, personne ne veut m'aider, ni Dieu, ni Satan, pas un ange, pas un homme. Et toi-même ? Quoi, moi-même ? Tu ne veux pas ? Quoi ? Qui peut t'aider quand tu ne veux pas toi-même ? Non, non. Balbutia Job. La voix face à lui. Dieu et le Satan, anges et hommes, tous veulent t'aider, mais tu ne veux pas. Dieu par amour, le Satan pour te tenir plus tard, les anges et les hommes parce qu'ils sont les assesseurs de Dieu et du Satan, mais tu ne veux pas. Non, non. Balbutia, hurla Job et se débattit. Il cria toute la nuit. La voix lancée, sans discontinuer. Dieu et Satan, les anges et les hommes veulent t'aider, tu ne veux pas. Job sans discontinuer. Non, non. Il cherchait à étouffer la voix, elle s'amplifiait à mesure. Elle le devançait toujours d'un degré. Toute la nuit. Vers le matin, Job tomba face contre terre. Muet, Job gisait. De ce jour, ses premiers ulcères guérirent. Voilà, donc on a ainsi énormément. Enfin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, ce type de passage comme ça. Il y en a un autre qui est très frappant aussi, qui relate sur un mode de récit très simple l'épisode biblique d'Abraham et Isaac, où Abraham donc l'injonction de Dieu emmène son seul fils Isaac pour le sacrifier, et puis la main d'un ange, la main de Dieu, je sais pas, retient le bras d'Abraham qui va sacrifier son fils. Par exemple aussi, maudit est l'homme, parle Jérémie, qui met sa confiance dans l'humain, qui fait de la chair son été et dont le cœur se retire de Dieu. Il est pareil à un être abandonné dans la steppe et il ne verra point le bien lorsqu'il sera arrivé. Il a séjour dans la sécheresse du désert sur un sol salin et dépeuplé. Béni, béni, béni est l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur a l'assurance. Il est pareil à un arbre planté sur le bord de l'eau et qui étire ses racines dans la rivière. Il ne remarque pas qu'on vient la chaleur, mais ses feuilles restent vertes. Au temps de la sécheresse, il n'aura point de soucis. Il ne cesse jamais de porter du fruit. Le cœur est fourbe par-dessus tout et corrompu. Qui pourra le connaître ? Alors pour rendre tout à fait justice au livre, il faudrait que je trouve un autre passage qui sentir du coup l'autre aspect du livre, qui est donc vraiment ce quotidien en fait de Biberkopf en Berlin. Franz Biberkopf s'en va par les rues, chemine son chemin, elle ne cède pas, elle ne veut rien tant que reprendre des forces, recouvrer toute la puissance de ses muscles. Il fait un temps d'été chaud, Franz se traîne de bistrot en bistrot. Il évite la chaleur. Au bistrot, les grands bocs de bière défilent devant lui. La première bière dit « Je viens de la cave, houblon et malt. Maintenant je suis fraîche. Comment me trouves-tu » Franz dit « Amère, belle, fraîche. Oui, je rafraîchis les hommes, puis je les réchauffe, puis je leur chasse les pensées superflues. » Les pensées superflues ? Oui, la plupart des pensées sont superflues. Pas vrai ? Et comment ? T'as bien raison. Un petit schnapps posé jaune clair devant Franz. D'où qu'ils t'ont tiré, ils m'ont distillé de Dieu. Tu mords, garçon, t'as des griffes. Eh, je suis pourtant qu'un schnapps. Sans doute longtemps que t'en as pas vu. Mais j'étais presque mort. Petit schnapps, j'étais presque mort. Parti sans billet de retour. T'en as bien l'air aussi. J'en ai bien l'air, arrête donc tes conneries. Je vais te regoûter, tiens, approche un peu. Ah, tu es bon, tu as du feu, ce feu que tu as, garçon. Le schnapps lui ruisselle dans la gorge. Foutu feu. La fumée du feu monte dans Franz, lui fait la gorge sèche, il faut qu'il boive encore un boc. T'es ma deuxième bière, j'en ai déjà pris une, qu'est-ce que tu racontes? Goûte-moi d'abord, mon gros, après tu parles. Bon. Alors la blonde dit, coûte-toi à voir si tu bois encore deux bocs et encore un cumel et encore un grog, tu vas gonfler comme les petits pois. Ah, oui, tu vas te remplumer de quoi que t'as l'air, bordel. Tu peux peut-être trotter comme ça parmi les gens, bois encore un coup. Et Franz saisit la troisième. Je bois, chacune son tour, de l'ordre toujours. Il demande à la quatrième, qu'est-ce que tu racontes, chérie? Elle beugle juste de volupté. Franz se la jette derrière la cravate. Je te crois, tout ce que tu dis, chérie, je le crois. T'es mon petit agneau, on va se gambader tous les deux dans les prés. Alors, ce que vous notez, enfin, ce que vous pouvez remarquer aussi, ce qui est très singulier, ce qui fait aussi, du coup, en français, ce livre, une expérience assez singulière, c'est que Olivier Lelay a essayé vraiment d'être très, très... a vraiment tenté la littéralité, a vraiment tenté d'être, d'être très, très, très... oui, littéral, en tout cas. Et donc, pour être littéral, il a fallu, du coup, qu'il fasse un détour, forcément. Et de réinventer, en fait... vous voyez que le français, à plein de moments, hein, essayer comme ça de réintroduire, enfin de créer comme ça, de par une série d'élisions, de recréer en français, donc ce qui est évidemment quelque chose d'artificiel, hein, se parler de l'époque. Il a aussi cherché à le faire pour le berlinois, pour le yiddish, ce qui était ce qu'on pouvait reprocher un peu aussi à la traduction précédente, c'est qu'elle avait un petit côté un peu, comment dire, vous savez, argot de Titi Parisien, un petit peu. Quoi. Donc, il a vraiment essayé de trouver des équivalents. Moi, j'avais beaucoup discuté avec Olivier à l'occasion de cette parution. Et, bon, je ne suis pas allé voir dans le détail, mais autant que possible, il a essayé de respecter là, vraiment parfois l'ordre de la phrase, la ponctuation allemande. Il était assez fier de ça. Et je comprends, parce que c'est un vrai coup de force en français, d'essayer de garder vraiment aussi la ponctuation allemande qui, comme vous savez, enfin, en tout cas je vous le dis si vous le savez pas, n'est pas du tout la même qu'en français. Quoi. Donc il y a un véritable effort qui a été aussi assez critiqué, hein, bien sûr, mais bon, au moins on est face à un vrai parti pris de traduction, ça au moins ce mérite-là, de recréer une espèce d'étrangeté qui est la langue de Dublin pour un Allemand aussi, hein, bien sûr. Je pense que vraiment de façon beaucoup plus simple que ça, c'était le. Il y a un épisode du livre où Bieber Cobb vend des illustrés pornographiques. La simple mention de scènes sexuelles suffisait finalement à l'époque pour. C'était un scandale très très limité, hein, mais pour qu'il y ait un petit parfum de scandale autour du livre et les gens l'achetaient aussi pour ces raisons-là. Enfin, certains l'achetaient aussi pour ces raisons-là. Mais voilà, on n'est pas du tout dans le cas des Fleurs du Mal ou dans le procès de Bovary, enfin dans le procès qui a été fait à Flaubert pour Madame Bovary. Là, c'est beaucoup plus un petit bruit médiatique, si on peut dire, journalistique, qui accompagnait la sortie du livre. Et qui a fait que du coup, il a touché un public plus large qui a touché finalement un public assez large, ça a été adapté au cinéma. Alors l'adaptation est très intéressante, mais finalement garde assez peu de choses de Dublin, parce que justement elle se concentre vraiment sur ce simple fil, sur ce premier fil narratif, quoi. Donc l'aspect roman de gare, tout simplement. Parce qu'on est dans une intrigue, oui, assez policière, si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à l'époque, ça me vient à l'esprit là maintenant, on a les mêmes choses chez Renoir, enfin, c'est étonnant dans le cinéma, enfin comment aussi voilà, il y a tout un cinéma de l'époque, je pense à Tony, je je pense à La Chienne de Renoir, qui sont quasiment, qui sont de la même époque, hein. La Chienne c'est 31, je crois, c'est le premier film parlant de Renoir, et où, de la même façon, Renoir s'empare de faits divers assez sordides pour les magnifier, quoi. Avec d'autres, évidemment d'autres moyens qui sont les moyens cinématographiques, quoi. Si tu as les deux traductions, est-ce que ce serait possible de lire Malheureusement, j'ai pris que la deuxième. Ouais, j'ai pas pris la précédente. Oui, ça aurait été effectivement assez intéressant. Mais est-ce que ce scandale, les scandales, peut-être, ça pourrait pas non plus justement de cette façon d'écrire, juste à poser un texte, c'était quand même un texte très moderne au sens qu'on entend maintenant, et assez déconcertant en fait quand on lit la première fois. Entre ce que tu as vu, ce qu'on a vu ensemble, et puis il y a une description de boucher, de. Ah oui, c'est un scène. On se dit, mais enfin, à la première lecture, on peut dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, avec tous ces registres de langues différentes. La question était de savoir est-ce que ça a pu faire scandale ou pas, aussi par ce côté déconcertant de l'écriture, en fait. Ben, ça dépend auprès de qui, parce que c'est ce qu'on disait, effectivement, du côté de... Les lecteurs peut-être plus aguerris voyaient peut-être déjà les rapprochements possibles, puisque c'est, effectivement il y a un côté l'esprit de l'époque, quoi, hein, en Zeitgeist avec Dos Passos qu'on évoquait. C'est aussi, il y a vraiment du flux de conscience aussi à la Joyce. Encore une fois, dans ce scandale-là, il est limité. Enfin, c'est l'histoire d'un pauvre type, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est surtout pour une idée écologique, on se comprend. Ouais, Et puis la saturation du discours politique qu'il traverse. Voilà, c'est très, très expressionniste en même temps. Il oblige trop, il y a tout qui lui passe dessus. La totalité des discours politiques possibles, il est là et il picole. Ça, c'est très, très impressionnant. Ça, c'est très impressionnant. Et du coup, aussi, le côté, vous savez, la définition du roman comme miroir promené le long du chemin, il y a aussi le Dublin ne juge jamais, à aucun moment. Donc il y a cet échelon mythologique et religieux, juif et chrétien, qui est très présent, mais qui ne vient jamais finalement. Enfin, vous voyez, le passage sur Job n'est pas immédiatement, ne peut pas être immédiatement ramené à une morale, finalement. Il est relativement opaque aussi. C'est-à-dire que cet échelon-là n'est pas un échelon qui vient éclairer la vie de ces misérables. C'est une autre opacité, finalement. Mais en tout cas, dans cette espèce de chaudron de sorcière qui est l'époque, donc, où communistes et nazis s'affrontent ouvertement à Berlin, la ville est donc plutôt rouge, donc Berlin est donc plutôt communiste, et c'est Goebbels qui était chargé vraiment de mener la bagarre à Berlin. Il n'y a pas de jugement. Ils passent de l'un à l'autre, ils passent des communistes aux nazis très facilement. C'est pas un aspect dominant du texte, hein, ça, hein, c'est une espèce de bruit de fond. Il faut dire aussi que voilà, le livre paraît en 29, hein, de Blin ne pouvait pas non plus évidemment anticiper ce qui allait suivre. Hein. Oui, oui, oui. Ils avaient aimé l'époque. Certes, mais c'est aussi un personnage profondément moral, dit Borkov. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en tout cas, se soucie de moralité, qui veut devenir honnête. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que. Et là, il y a un coup de force aussi très, très fort de Dublin, c'est que c'est pas Agamemnon qui souffre ou la duchesse de Guermantes. Biberkopf, on souffre avec lui. Il n'est pas simplement un réceptacle pour le dehors. Il lutte contre l'alcoolisme, il a des vraies passions, il a une vraie passion amoureuse, des vraies amitiés, des amitiés bizarres, comme pour ce Reinhold qui est son bourreau, quoi. Mais d'une certaine façon aussi, peut-être. Alors, je sais pas, moi, l'histoire. Enfin, on peut faire plusieurs hypothèses. Par certains côtés, je trouve que Bibercoff, il a quelque chose du prince Mishkin. Parce que dans l'idiot de Dostoïevski, donc le prince Mishkin, qui est une espèce de figure christique comme ça, est un véritable révélateur des personnages. Et finalement, un fouteur de merde et honté, quoi. Parce que, évidemment, face à cet être profondément bon et juste, c'est une cause de scandale, finalement. Alors, Bibercoff est un Mishkin très dégradé, certes, mais qui a quand même un vrai bon fond. Et là aussi, c'est un révélateur, à certains moments, de la cruauté du monde. C'est-à-dire que, si vous voulez, le Dublin, il se passe à la hauteur du personnage. Bon, ce sont... je ne sais pas si vous voyez Hackathon, le premier film de Pasolini, ce sont des petits malfrats pour qui c'est... Alors là, c'est beaucoup plus tard, Pasolini, c'est début des années 60, mais ce sont des petits... À la haute... Enfin, dans l'univers... dans l'univers mental de Bibercoff, et dans l'univers mental des femmes qui l'entourent, c'est tout à fait normal de se prostituer pour l'homme qu'on aime. Mitze, il y a une scène très étonnante où Bibercoff a son bras en compote, donc il ne peut plus faire grand-chose. Donc il est aidé par des amis, et il s'aperçoit que Mitze a trouvé une espèce de généreux donateur, donc se prostitue à un homme, et il est tout à fait effaré. Et non, c'est vraiment le plus grand signe d'amour qu'elle puisse faire pour lui. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne va pas avoir un personnage tiers qui va arriver là et nous dire « Non, quand même, tu ne peux pas faire ça, etc. » C'est qu'on reste vraiment dans l'horizon de perception de ces personnages qui, dans cet horizon-là, ont quand même des différents choix possibles, mais évidemment extrêmement réduits. Mais ils ont quand même des choix, ils évoluent dans ce champ très, très, très réduit, mais... Parce que les classes aussi sont très similaires. Ah non, absolument. Oui, voilà. Bah, on est dans, oui, ce qui affleure tout le temps, c'est que c'est évidemment les états de misère économique. C'est très âpre aussi, hein, c'est sans rondeur. Ouais. Ça envoie. Hein, ouais. C'est vrai. Non, c'est sûr. Dire. Oui, j'ai pas lu les passages les plus terribles. Hein, mais la phrase est sèche. C'est ouais. Sûr, ouais. Alors ça c'est... Plus. L'historicité, le rythme. Voilà. Oui, oui, oui. C'est un vrai parti pris de c'est toujours étrange, hein, une traduction comme ça, des partis pris très, très forts. Hein, cette traduction qui est celle d'Olivier Lelay, qui est par ailleurs un très grand traducteur, hein, de l'allemand aujourd'hui, traducteur de Hanke notamment, de Peter Hanke, de Jelinek. C'est quand même un objet étrange, hein, qui emmène le français dans des zones étranges. Donc là, moi, c'est difficile de sauter par-dessus son ombre. Je ne sais pas ce que ressent véritablement un Allemand en lisant Dublin. Je ne le saurais jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas cette âpreté, finalement, que tu dis, tiens, finalement, un certain parti pris de la traduction. Parce que vous voyez, le rythme, il n'y a aucun lyrisme. Enfin, il y a dans le rythme même de la phrase, le rythme est constamment cassé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très, comme tu dis, c'est très abrupt, quoi. C'est pas... On aurait presque le réflexe, bon, moi traducteur, qui n'est pas, disons, du tout la pratique d'Olivier Lelay, j'aurais le premier réflexe d'un traducteur, c'est de glisser un petit coup, quoi, de mettre un point, une virgule, de refaire une phrase. Vous voyez, enfin, c'est des très légers déplacements, hein, mais c'est-à-dire qu'on casse la phrase, moi je trouve que ce premier paragraphe tout à l'heure était assez frappant, hein, quand même. Hier encore, là derrière, dans les champs, il binait les pommes de terre avec les autres, virgule, en habit de forçat, virgule. Maintenant, il allait dans un manteau d'été jaune, virgule. Là derrière, il binait, virgule, il était libre, point. C'est très étrange, quoi, en français. Mais du coup, vous voyez, ça a le mérite d'un vrai parti pris de traduction. Moi, ça fait ouais. Donc, je me souviens à peine, sauf que le passage vraiment horrible, qui sont restés comme un cauchemar, hein. Surtout les scènes de la fête des pères. Hein, c'est vraiment l'horreur. La fête des pères? Oui, c'est, je tout et tout, c'est le trois quarts du bouquin. D'accord. Et oui, c'est le jour de la fête des Pères, hein, la Sabbata. Ok. Ce qui s'est passé où tous les hommes sortent seuls et se boivent, voilà. Font n'importe quoi. Ouais. Et puis là, il y a tout un drame qui évolue. Mais quand vous parlez du style, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il était neuropsychiatre, que ça influe un petit peu sur sa façon de d'écrire, comme le cerveau qui voilà, évoque de penser, images, des choses, virgule, autre chose en place. Est-ce que c'est pas ça qu'il a voulu faire face à... C'est très possible, c'est sûr. C'est... c'est pas un littéraire, hein, c'est un médecin. Oui, enfin bon, il y a eu beaucoup de grands écrivains qui étaient... Céline, hein, forcément, écrit, Céline. Oui. Mais voilà, et comme c'était une période quand même de recherche, de trouver des choses nouvelles dans tous les domaines, peinture, littérature, musique, etc. Et que là, justement, est-ce qu'il n'a pas laissé passer quelque chose de son expérience professionnelle? Ah oui, très très certainement. Et puis il était surtout... je cherche un passage qui illustre assez bien ça, mais oui, il était effectivement très au contact des miséreux de l'époque, quoi. Il était très au contact des pauvres de Blin. Oui. Et bien sûr, il y a beaucoup de passages où viennent résonner aussi les thèses de l'époque, la sexologie notamment, qui est quelque chose qui a été fondé vraiment à Berlin, le nom du fondateur m'échappe, mais qui, toute tentative évidemment. Il y a un cabinet de sexologie, c'est... Reich. Non, il y a Reich, mais je ne pense pas à Reich, je pense à l'autre. C'est pas Reich qui cite, c'est... j'ai Hilberg en tête, ça va pas être Hilberg. Et donc il y a un passage quand Bibercoff sort de prison, il a des problèmes d'érection, il va voir une prostituée, ça marche pas du tout, etc. Donc il tombe sur un petit fascicule qui explique en quoi consiste l'érection. Et ça vient directement du cabinet de l'institut de sexologie de l'époque, qui vraiment voulait faire comment dire, enfin voulait vraiment enfin expliquer aux gens, enfin, il y avait vraiment une véritable idée d'un principe très, très d'un clairon, quoi, enfin, vraiment d'éclairer les gens là-dessus, quoi. Un petit peu dans le même sens, j'ai pas vu la série de Facebook, est-ce qu'elle a les mêmes audaces formelles que le livre, c'est-à-dire est-ce qu'elle se permet comme ça des cuts aussi photos entre deux registres? Oui. Oui, surtout à la fin, où là, Fassbinder se lâche aussi complètement, et c'est le rêve du rêve de Bibercop, c'est l'épilogue. Et là, on a Kratzer, on a James Joplin, on a une espèce d'explosion nucléaire. Enfin, bon, là, il est vraiment au lit. Après. Ça reste quand même plus. Ça reste plus. Enfin, c'est très difficile de comparer comme ça deux formes artistiques, mais donc ça reste plus classique quand même. Après, c'est porté par des acteurs formidables. Et puis surtout, il prend vraiment le temps, du coup, puisque c'est près de 13 heures. Mais oui, c'est-à-dire que, non, mais là, quand tu me poses cette question, je pense à Pasolini qui, lui, ose vraiment beaucoup ça dans ses films, c'est-à-dire de passer vraiment d'un ordre urbain à brusquement, il projette son personnage dans un désert ou dans un ordre mythologique. Dans mon souvenir, ça, Fassbinder ne le fait pas. Alors que, forcément, il connaît le travail de Pasolini. Alors, ce qui est très étonnant, c'était assez amusant, si je puis dire, là voilà, c'est ça, j'ai retrouvé Pasolini. C'était assez amusant, la perception de ce livre à sa sortie, parce que c'est toujours bon le beau risque des chefs-d'œuvre, c'est que voilà, en gros, une espèce de critique unanime, enfin voilà, magnifique, etc. Mais tu fais bien le souvenir, Frédéric, le texte est extrêmement âpre, surtout dans sa façon de prendre en charge la violence aussi, c'est-à-dire vraiment le point de vue de l'assassin et du violeur. Par exemple, il y a il y a ce passage. Voilà, il y a deux pages. Ce Franz Biberkopf, anciennement cimentier, puis déménageur, et ainsi de suite, désormais marchand de journaux, pèse près d'un quintal. Il est fort comme un cobra et de nouveau membre d'un sporting club. Il porte molletière verte, souliers cloutés et veste imperméable. Vous ne trouverez guère d'argent sur lui, ça vient en permanence, toujours en petite quantité, mais néanmoins que personne ne s'avise de l'asticoter. Est-il pourchassé depuis sa vie d'avant ? Ida et tout le tremblement. Donc Ida, c'est la femme qui l'a tué. Ida et tout le tremblement par remords, cauchemars, tourments nocturnes, supplices, hérénie du temps de nos arrière-grand-mères. Rien à faire. Qu'on songe combien la situation a changé. Un criminel, homme jadis maudit des dieux, mais d'où le sais-tu, mon enfant ? Devant l'autel, Oreste a tué Clytemnestre, tout juste si l'on prononcera ce nom, tout de même sa mère. De quel autel parlez-vous donc ? Chez nous, vous pouvez toujours courir pour trouver une église ouverte la nuit. Je le disais, autre temps, oyoharo, effroyable bête, femelle ébouriffée de serpents, aussi chien sans muselière, toute une ménagerie et des plus repoussantes, ils veulent le mordre, mais ils ne l'atteignent pas, car il est devant l'autel, c'est une représentation de l'Antiquité, puis cette engeance, tout entière en courroux, danse autour de lui, toujours mêlée de chiens. Sans harpe, comme il est dit dans le chant, des érinies, la danse, elles s'enlacent autour de leur proie, perturbation, démence, envoûtement des sens, préparation au cabanon. Elle ne pourchasse pas Franz Biberkopf, disons-le tout net, et excellent appétit. Il boit chez Henschke ou d'ailleurs, le brassard dans la poche, une blonde après l'autre, et même un Dornkat dans les intervalles, que ça vous fait vibrer le cœur. Ainsi, le marchand de journaux Franz Biberkopf, anciennement déménageur, ainsi de suite, à Berlin, Nord-Est, fin 1927, se distingue du célèbre Oreste de l'Antiquité, Qui préférerait être dans la peau de qui ? Franz a battu à mort sa fiancée, Ida, le patronyme ne change rien à l'affaire, dans la fleur de l'âge. Ceci s'est produit lors d'une altercation entre Franz et Ida dans l'appartement de la sœur de celle-ci, Mina. Altercation au cours de laquelle, dans un premier temps, les organes suivants de la jeune femme furent légèrement lésés. La peau du nez sur la pointe et au milieu, l'os situé au-dessous avec le cartilage, ce qui ne fut constaté toutefois qu'à l'hôpital, et joua ensuite un certain rôle lors de l'instruction. Puis l'épaule droite et l'épaule gauche qui présentaient de légères ecchymoses avec épanchement sanguin. Ensuite, l'explication se fit plus animée. Les expressions « bouc à putain » et « trousseur de pute » eurent le don d'exaspérer Franz Biberkopf, chatouilleux sur le chapitre de l'honneur, quoiqu'en même temps tombé bien bas, et qui en outre était énervé, pour d'autres raisons. Ça a trémulé d'importance dans tous ses muscles. Il se saisit d'un petit fouet à pâtisserie en bois, rien de plus, car il s'entraînait déjà à cette époque et s'était froissé se faisant le poignet. Et c'est précisément ce fouet à pâtisserie augmenté de sa spirale en fil de fer que Franz, dans un imposant mouvement redoublé, mit au contact avec la cage thoracique d'Ida, son interlocutrice. La cage thoracique d'Ida était restée intacte jusqu'à ce jour, la petite personne tout entière, bien jolie à regarder au demeurant, ne l'étant pour sa part pas demeurée. Bien au contraire, et simple remarque adventice, l'homme qu'elle nourrissait l'a soupçonné, avec quelques raisons, de vouloir lui signifier bientôt son congé au profit d'un type de Breslau nouvellement émergé. Quoi qu'il en soit, la cage thoracique de la charmante jeune fille n'était en rien préparée au contact d'un fouet à pâtisserie. Dès le premier coup, elle hurla « ouille » et ne dit plus « sale macro » mais « bordel ». Le deuxième contact avec le fouet à pâtisserie se produisit alors que Franz persévérait dans sa position et qu'Ida, pour sa part, avait effectué un quart de tour à droite. Sur quoi Ida ne dit plus rien du tout, mais ouvrit tout grand la bouche dans une moue bizarre et jeta les deux bras au ciel. Ce qui s'était produit une seconde auparavant avec la cage thoracique de la jeune femme est lié aux lois de la fixité et de l'élasticité, du choc et de la résistance. Sans connaître ces lois, impossible de comprendre quoi que ce soit. On aura recours aux formules suivantes. La première loi de Newton, prononcée Newton, qui nous dit ceci. Tout corps persévère dans l'état de repos dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Se rapporte au code d'Ida. La deuxième loi du mouvement de Newton, la modification de mouvement est proportionnelle à la force agissante et emprunte la même direction que celle-ci. La force agissante est Franz, ou pour mieux dire son bras et son poing, et ce que ce dernier contient. La quantité de force est exprimée par la formule suivante, alors nous on l'avait reproduite, voilà, donc ils sont ça. L'accélération provoquée par la force, soit le degré de variation produit, est exprimée par la formule, etc. On a même la formule mathématique. Nul besoin pour ces considérations modernes de recourir aux érinies. Donc vous voyez, là aussi, c'est un... Voilà, effectivement, quand on parle d'âpreté, et aussi une espèce d'humour, quand même. Pas complètement ignoré, une espèce d'humour un peu glaçant, un peu. C'est ça, ce que tu viens de dire, et puis je concept, tous ces débuts de chapitres, en fait, où on ne sait pas si, on sait pas si, si c'est de l'humour noir, si c'est... au début, quand on commence la lecture, on est un peu stupéfait, comme ça, on sait bien. Il nous entraîne où, qu'est-ce qu'il veut dire. Et juste pour que... Bien sûr. En fait, chaque début de chapitre, 3-4 pages, il y a toujours... à Voltaire, quoi. Retrouvailles sur la laisse, roi de chien, l'année prochaine, 1929, ça ne leur pas d'encore. Pendant un moment, rien, rebond, on se remet sur pied. Puis après, Franz réfléchit au commerce, des filles, et soudain ne veut plus, il veut autre chose. Et en fait, on se dit, alors c'est bien parce que comme c'est un gros bouquin, on arrive comme ça à avoir des repères. Mais par exemple, Franz a pris une résolution désastreuse, il ne remarque pas qu'il se met dans les orties. Donc là, en fait, on se dit, sur quoi il nous amène, en fait, soit on est dans l'humour noir, soit dans ce que tu viens de dire, c'est à la fois horrible et en même temps il nous met dans une certaine distance pour pouvoir voir ce qu'il en est. Et parfois, en fait, il devance ce qui va arriver. Ouais. Moi, ça m'a un peu gênée et en même temps, voilà, ça fait rire, quoi. Ça fait sourire. Alors, je sais pas. Ben, j'ai pas de réponse. Enfin, c'est assez déconcertant parce que effectivement c'est un livre qui tient ensemble des registres très très différents. Le roman d'apprentissage de complètement. Très clairement. Fort. Clairement. Il y a le mot liberté qui claque à la première phrase. Hein. Ouais. Clairement. Mais liberté qu'on peut faire. Hein, c'est ouais. Ça. Ouais. Il y a de lui. Il y a. Oui, c'est vrai. Après, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, il y a un moment où on se dit, mais... Le conte philosophique. Hein, ouais, tout d'un coup, il arrive dans une morale, il y a « Relève-toi, esprit défaillant, remets-toi d'aplomb », ce qu'on a lu. Ouais. Il y a toujours pour moi... Enfin, en tout cas, je suis... C'est Fassbinder qui dit ça, mais c'est vrai que Enfin, c'est assez évident... Hein. Passé par François Miller, tout ce registre-là, je veux dire le registre du conte philosophique ou mythologique ou religieux, est employé, convoqué pour un univers très sordide, très pauvre. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'il donne une énorme épaisseur, profondeur à des choses minuscules finalement du quotidien, parce qu'ils se débattent dans des possibilités très réduites finalement, ces personnages. Tu disais que ces autres livres étaient d'une facture plus classique. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même la même ironie que dans les passages que tu viens de dire? Dans mon souvenir, non. Dans mon souvenir. En tout cas, je pense à son livre sur Rosa Luxembourg, dans mon souvenir, non. J'ai vraiment l'impression que c'est le seul livre où il s'est vraiment autorisé ça. Enfin, en tout cas, il y a aussi des tentatives précédentes, mais après ce livre-là, ça ne revient pas. Il me semble. Après, bon, je ne connais pas la masse des beaucoup de choses. Parce que dans ce cas-là, ça fait quelque chose de curieux, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir un truc de collage et d'expérimentation formelle très fort et qui est presque congénitalement lié à l'ironie. Ouais. Et comme si la modernité ne pouvait qu'être ironique. Mais il n'y a pas que de l'ironie là, moi je trouve, dans les passages de Job. C'est non, c'est plutôt un jeu pour que le lecteur aussi, il est très très attaché à l'éclat de sens terrible du lecteur. En fait. C'est aussi prendre le lecteur par la main pour lui dire regardez ce que. Il y a un côté très spectacle en fait. Regardez le cabaret. Voilà, regardez ce personnage, il est là, etc. Oui, il y a l'ironie, mais c'est pas la totalité. Il a été très très influencé par la lecture des grandes avant-gardes de l'époque, ça c'est certain. Il a remanié son texte là. Après avoir lu qui c'est Joyce. Je sais pas s'il a lu un Joyce. On pas sûr. Après, je connais pas très bien son histoire intellectuelle, mais il a évolué vers une certaine religiosité. Ben, c'est un juif converti au catholicisme. Ça l'a peut-être aussi un peu calmé pour aller faire le cinglé dans l'intérieur d'un roman. J'avoue que je ne connais pas très bien tout ça. Je sais qu'il a quand même sa place dans un champ littéraire à l'époque, très clairement. Qu'il est, voilà, il y a une recension de Benjamin, enfin, ça passe pas du tout inaperçu, il a vraiment sa place. Quoi. Mais voilà, je n'ai pas examiné de près voilà, ces relations avec les autres avant-gardes à ce moment-là, et le trajet. C'est quand même un grand roman de fou furieux. Il faut vraiment souligner parce que n'a pas le temps de ça. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est vrai qu'effectivement, c'est... Mais je comprends que ça déconcerte et que voilà. Ce qui est marrant, c'est que voilà, lui, chacun aussi projette des choses, forcément. Hein. Fassbinder, voilà, pour lui, les 200 premières pages, on peut complètement s'en passer. Après, il modère un peu ce propos, il dit non, quand même, c'est pas si mal. Ce qui l'intéresse, lui, vraiment, parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, c'est le rapport avec Reinhold. C'est très, très étrange. C'est-à-dire qu'au cœur de cette histoire de. C'est pas seulement une histoire de petit malfrat, en fait, parce qu'au cœur. Enfin, au cœur de simplement pour le champ narratif, il y a ce grand mystère. Il y a ce grand mystère qui est le rapport d'amitié étrange entre Reinhold et Bibercop. Alors on pense vraiment à Mishkin et Rogojin, bien sûr. Dans le roman, dans l'idiot de Dostoevsky, voilà, ils partagent une même femme, Natasha Philippova. Bon, là, il y a un côté. Je pense qu'il y a quand même. Je vois vraiment l'idiot derrière ça. Très certain qu'il l'a lu, hein. Mais une version, plus trash, on va dire, plus sale aussi, quoi, de l'idiot. Alors évidemment, bon, comme dans l'idiot, ces hommes qui se repassent des femmes, bon, on ne peut pas s'empêcher évidemment d'y voir l'homosexualité non dite. C'est pas évident en fait. J'aime bien ce que dit Fassbinder. C'est un amour qui n'a pas pas d'utilité, et donc du coup qui n'a pas d'utilité sociale, qui est une attirance étonnante comme ça entre deux êtres. Ils ne savent pas quoi faire de cette attirance, et ça les détruit. Oui, enfin, c'est plus que ça. Quand même. Une soumission aussi, non? Il y a une soumission. Ouais. Une soumission très forte. Ouais, c'est vrai. C'est la loi du mal, hein, quand même. Hein, C'est vrai. Avec des personnages qui se transforment. C'est que Reinhold est d'abord vraiment décrit. Alors, Bibercop, en plus, qui a énormément confiance en sa force, etc. Décrire à l'impression. Voilà, effectivement, il y a une espèce de jeu de soumission, si vous voulez, effectivement. Il a l'impression de prendre sous son aile cette espèce de souffreteux qui ne boit que du lait. Alors que lui, se sous le schnapps et à la bière toute la journée. Et puis, confronté physiquement à Reinhold, s'aperçoit qu'en fait, celui-ci le domine physiquement. D'autres questions? C'est très intéressant cette notion de trivialité. Ouais. Tu la retrouves dans Sanctuaire, Faulkner, par exemple. Ouais, dans la question du tuale. Et c'est aussi sur cette époque, en fait. Ouais, c'est possible. Je sais pas si dans Sanctuaire, effectivement, il y a cette espèce d'ironie étrange, quand même. Non. Mais voilà, moi c'est aussi un roman moi qui me plaît aussi comme fantastique boîte à outils. Quoi. Parce que voilà, c'est 15 000 registres, situations. Et c'est toute une série de ce fil narratif, là, j'en reviens toujours à ce terme, est traversé par l'échelon vertical, finalement, moi, l'échelon mythologico-religieux, mais aussi horizontalement par toute une série d'échos d'histoires, de journaux, de petits braquages, de machin qui a tué sa femme, qu'on retrouve trois mois après, enfin des petits récits comme ça, de quelques pages, qui sont vraiment le petit peuple du Berlin de l'époque. Quoi. Alors, la postérité de ce livre dans l'imaginaire allemand, contemporain. Quelle est la postérité de ce livre? Je ne sais pas s'il y a un auteur allemand qui se réclame vraiment de Blin, c'est très écrasant quand même, mais bon, évidemment, tout le monde l'a lu, non, les Allemands l'ont lu, quoi. Puis il y a un côté lecture scolaire aussi. Mais je vois pas d'auteurs qui sont. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant maintenant dans la perception de Daniel Saint-Loplatte, c'est qu'il y a un double filtre, quoi. S'ajoute aussi la perception de Fassbinder. Il faudrait vraiment, pour s'en réemparer ou assumer cette filiation-là, tu vois, c'est vraiment. il y a quand même un... Il faut passer par M. Fassbinder, en quelque sorte. Qui, du coup, lui, c'est ça qui est marrant. C'est vraiment... comme quoi, les interprétations, c'est vraiment des putsch, quoi. Fassbinder a imposé la sienne, et visuellement, on voit les acteurs de Fassbinder. Enfin, c'est marrant. Alors que Fassbinder, évidemment, a tourné ça à Munich, pas du tout à Berlin. Enfin, bon, c'est le cinéma hein, qui veut ça, mais... ce que je veux dire, c'est que, voilà, l'interprétation de... La lecture de Fassbinder n'est pas du tout fidèle, tant mieux. Si. Ah, je pense qu'au lycée, ils ont lisé au moins un extrait, ouais, quand même. Oui, c'est un peu le classique, un peu trop grave. Ouais. D'auteur, faudrait voir du côté de Jiangol, peut-être. Peut-être que c'est Jiangol qui pourrait peut-être, aujourd'hui, comme auteur allemand, qui assumerait peut-être une dette à la lire de Dubé. Parce que c'est le premier nom qui vient à l'esprit d'une littérature assez expérimentale. Je voulais dire un mot sur... Oui, bah alors, il y a quelques années, à l'occasion de la sortie de cette nouvelle traduction, donc, moi j'ai édité une revue bien, qui s'appelait La Mergelée, et on avait fait du coup un numéro Berlin Alexanderplatz, on avait justement essayé de déployer... un certain nombre d'univers présents dans le livre, donc aussi bien de la photo, je vais la faire passer si vous voulez, la revue a un peu pris l'eau, mais elle est encore lisible. Donc des dessins, des photos, des poèmes, des textes. Et alors ce qui était amusant, vous voyez, c'était le concept de la revue, c'était qu'on laissait vraiment carte blanche aux graphistes, et donc les graphistes nous avaient demandé à nous, la rédaction, comment on voyait le livre, peut-être lu des petits bouts du livre, mais c'est pas un livre qu'ils connaissaient. Enfin, qu'ils connaissaient. Ils s'en étaient pas emparés comme nous, forcément, c'était pas mon boulot. Et on avait insisté sur le, comment dire, le côté, totalité, enfin, une espèce de regard totalisant. Il y a quand même cette ambition folle, impossible, chez Dublin de tout saisir. Donc, y compris les sons, tout ce que normalement notre conscience. Mais un peu efface un peu simplement pour penser quoi. Et donc ils en avaient retenu, et je trouvais ça assez intéressant, une forme d'idiotie, c'est à dire que du coup ils ont par exemple dans les titres une forme de minutie qui vire à l'idiotie, c'est ça que je veux dire. Donc par exemple parti pris graphique, c'était d'écrire en toutes lettres les points d'exclamation. Voilà. Bon, donc on a point d'exclamation. De vraiment une espèce de minutie. Oui, mais ça, faut que je le fasse. Voilà. Parce que bon, de loin, c'est pas. c'est un objet assez étrange. Plus mort à crédit, peut-être, que le voyage, d'ailleurs. Ouais. Toute la partie de Voyage au bout de la nuit qui se passe à la gare à Grancy, si je me souviens bien, ouais. Chez les Enrouilles, etc. Et puis le récit d'enfance parisienne de mort à crédit. Comme Dos Passos, ça fait partie des très très grands sur la ville et les transformations quasiment dans la syntaxe même qu'implique l'énormité des métropoles contemporaines. Les romans métropoles, absolument. Ce qui est extraordinaire, c'est l'existence de ces textes quasi simultanés. Oui, ça, ouais. Alors chez Céline, il y aura moins le collage. Donc le collage, à mon sens, est moins présent. Et puis après, l'énonciation, c'est pas la même quand même. Oui, voilà. Chez Céline, effectivement, on a un narrateur bien identifié, tandis que là, c'est... Bien sûr, c'est un rapprochement. Mais non, mais il est très. Mais dans La Fureur, tout simplement. Oui, dans La Fureur. Ouais, ils sont des romans de furieux, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a un affect. Et de jubilation. Ouais. De jubilation. Mais il y a un affect de colère, vraiment, là-dedans, qui résonne encore près d'un siècle après. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire.